بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Donc nous terminons la traduction du cours de notre cheikh As'ad ibn Fathi al-Za'tari حفظه الله تعالى, qui avait pour thème la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étrange et redeviendra étrange, annonce donc la bonne nouvelle aux étrangers. Nous terminons la traduction que nous avons commencée hier après le cours de Sheikh As'ad, hafidahullahu ta'ala, et dans cet espace de temps qui est assez court, c'est-à-dire 10 minutes, nous allons terminer la traduction approximative du cours avant de commencer le cours d'aujourd'hui avec notre cher Khalid Abou Abdel A'la, hafidahullahu ta'ala. Nous nous sommes arrêtés sur le conseil de notre cher As'ad, hafidahullahu ta'ala, de s'accrocher à ce manhaj, le manhaj salafi, et de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et de l'implorer de nous raffermir sur ce manhaj jusqu'à la mort, et le shirk de dire que on peut se voir accorder le succès de connaître cette vérité, de connaître ce manhaj, mais après cela, ne pas être raffermi sur celui-ci. Pourquoi ? Le cheikh nous dit, car nous n'aurions pas pris les causes qui nous permettraient d'être constants sur ce manhaj. Et parmi ces causes, les plus grandes de ces causes, le fait de demander la science et le savoir, de rechercher le savoir, légiférer le savoir dans notre religion. Le cheikh nous dit qu'il est possible que le salafi soit touché par certaines faiblesses, comme cela l'étudiant en sciences salafi, il peut être aussi touché par certaines faiblesses dans son manhaj. C'est pour cela que le cheikh nous enjoint de demander la science et de persévérer dans cela. Il nous enjoint de demander la science, de lire beaucoup, de lire là et d'étudier la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela les livres de As-Salaf, radouanallahi alayhim, qui parlent de leur biographie, qui parlent aussi de les livres qu'ils ont écrits, qui traitent de la croyance et de la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, radouanallahi alayhim. Car, comme nous le dit le shir, ceci sera un remède pour nous, un remède pour nos faiblesses ou contre nos faiblesses. Ensuite, le shir nous conseille, il conseille l'étudiant en sciences d'être assidu dans l'étude de la religion, de délaisser toute chose qui pourrait le détourner de cela, de délaisser les discussions vaines, les on-dit, al-qil ou al-qal, les on-dit, de délaisser cela, de délaisser aussi tout ce qui est en rapport avec la politique, car cela n'est pas profitable pour toi dans ton manhaj et dans ta religion, mais plutôt que tu sois assidu et que tu t'appliques à accomplir la prière, à lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, à étudier la science profitable, à acquérir le savoir dans ta religion. Il nous conseille de délaisser toutes ces analyses politiques que les gens de l'innovation attirent les jeunes vers ces dernières, ils leur enjolivent ces dernières, les analyses politiques, tout ce qui a trait avec la, à la politique, pardon, ce qui a trait à la politique, ça c'est bien leur voie, la voie des sectes égarées. Ils enjolivent cela aux jeunes et ils leur montrent ou ils prétendent que ceci a une importance capitale dans leur religion, mais ceci n'en est rien. Et le shir de nous dire que cela fait partie des pièges des ennemis de l'islam. Et comme cela, ils ouvrent un discours pour l'ensemble de la communauté. Un discours et une discussion sur des affaires politiques, des affaires qui sont à la base, comme nous le dit le shir, des choses qui sont propres à nos gouverneurs et à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre nous. Mais ces sectes égarées et les ennemis de l'islam en général ouvrent ce discours à l'ensemble des gens, de la masse des musulmans, ce qui les détourne de la voie qui leur incombe de suivre. Et le shir nous dit que ceci ne convient pas. Nous ne sommes pas chargés par Allah tabaraka wa ta'ala de faire cela, de suivre ces sujets, ces sujets politiques, de rentrer dans cela, des sujets qui parfois sont à niveau ou sont au niveau de l'État lui-même, entre les États, entre les pays, c'est-à-dire que ce sont des grandes affaires qu'il ne convient pas à la masse des musulmans de rentrer dedans, mais plutôt ceci revient à leurs gouverneurs et à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre eux. Et le shir nous enjoint encore une fois de nous occuper de ce qui nous regarde, de ce qui réforme notre religion et notre lien avec notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Que le serviteur apprenne à connaître son Seigneur, apprenne à connaître sa religion. Ceci est bien ce qui lui sera profitable. Et le shir de nous dire que cela, nous le laissons à nos rois, nos gouverneurs, ceux qui détiennent le pouvoir d'entre nous. Et cela, ils sont plus savants de ce qui réformera la communauté. Ils sont plus savants, si Allah Azzawajal leur accorde le succès, de ce qui sera bon pour leur peuple, pour leur pays, plus que n'importe quelle personne du commun des musulmans. Et le shir a rappelé cette parole qui est une très belle parole de l'imam Soufiane Thawri rahimahullahu ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: certes, les rois, les gouverneurs nous ont laissé la vie de l'au-delà, délaissez-leur donc la vie d'ici-bas. Certes, les gouverneurs vous ont laissé l'au-delà, laissez-leur donc la vie d'ici-bas. Et le shir de nous dire que les gens de l'innovation, l'ensemble des gens de l'innovation, ont fait de cela des, le fait de rentrer dans les politiques, entre les pays, etc. Donc cela, ils en ont fait quelque chose d'obligatoire pour chacun du commun des musulmans. Parmi ces gens de l'innovation, Al-Khawarij, et ceux qui suivent leur voie, comme Al-Qa'ida, comme Al-Dawa'ish, etc. Et le cheikh de nous rappeler que Al-Ghuraba, qui sont le thème de ce cours, les étrangers sont ceux qui auront délaissé ces choses et qui se seront attelés à la tâche de l'étude de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui seront en vérité sur ce manhaj, le manhaj salafi, et nous espérons faire partie de eux, de ces ghuraba, de ces étrangers, et ce sont eux qui suivent avec droiture la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsque le mal des gens se répand, ainsi que leur corruption. Et le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici leur a annoncé la bonne nouvelle lorsqu'il dit « Watouba lil ghuraba » et annonce donc la bonne nouvelle aux étrangers. Et le cheikh nous dit « As-salafiyoun » ce sont bien eux, el ghuraba, les étrangers, dans leur croyance, dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur manière de s'habiller. Ils sont étranges à la vue des gens. Et ceci ne fait que nous raffermir sur la vérité, sur le fait que nous, as-salafiyoun, nous suivons la voie droite et nous suivons la voie de ces étrangers, le ghuraba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans ce hadith. Et le shir de nous dire que cela, comme le dit Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, ils sont de plusieurs degrés. Le ghuraba, les étrangers, sont de plusieurs degrés. Comme il dit, rahimahullah, les gens de l'islam, parmi l'ensemble des gens, sont des étrangers ghuraba. Aussi, les gens de science, parmi les gens de l'islam, sont des étrangers ghuraba. Aussi, les gens de la sunna, parmi le reste des gens de l'islam, sont des ghuraba. Comme ça. Et le cheikh de nous dire que ceux qui atteignent le plus grand degré dans cela, ce sont ceux qui appellent à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion véritable, et qui patientent sur les maux qu'ils rencontrent dans ce chemin, qu'ils patientent sur les problèmes qu'ils rencontreront lorsqu'ils auront emprunté ce chemin, et comme cela le shir nous dit que parmi les plus grands degrés dans cela, c'est-à-dire les étrangers et le ghuraba qui auront atteint le plus grand degré de ces degrés que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a rappelé, il y a ceux qui sont donc les gens de science qui réfutent les gens de l'innovation et du faux. Ceux qui pervertissent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et la changent aux yeux des gens, qui leur font croire à ce qui ne fait pas partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien cela, parmi El Ghuraba, ce sont ceux qui ont atteint le plus grand degré, ceux qui réfutent et qui combattent par le savoir et par les mises en garde contre ces derniers, contre les gens de l'innovation. Et bien cela, ce sont ceux qui ont atteint le plus grand degré. Et le shir nous dit que cela fait partie des attributs les plus propres aux étrangers, ce qui les caractérise le plus, ce qui fait partie de leurs plus grandes caractéristiques, donc aux étrangers, le ghuraba, cette chose dernière que nous avons évoquée. Et ces derniers, le ghuraba, ces étrangers, sont ceux qui sont sincères dans l'ensemble de leurs adorations, dans tout ce qu'ils font pour Allah, de l'ensemble de leurs œuvres, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi cela, la réfutation des gens de l'innovation, ils sont sincères dans cela, ils le font sincèrement pour conseiller la communauté. Et comme cela, nos savants, parmi les savants de Sahaba, radhiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis dans le bien, comme cela aussi, les savants de notre siècle, comme cela le Cheikh a rappelé, certains parmi nos savants comme Cheikh Nubaz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, rahmatullahi alayhim, comme cela aussi les vivants, Cheikh Al-Fawzan, Al-Haydan, Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Abdullah Al-Bukhari, hafidahumullah. Ceux-là sont bien les savants qui conseillent en vérité la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et qui les oriente vers le bien, vers la religion véritable. Ceux-là font partie de Al-Ghuraba, nous pensons cela de eux. Hafidahumullah. ورحم الله الأموات منهم. Et le Cheikh s'est arrêté sur cela en faisant des invocations pour nous, ceux qui avons assisté au cours, ceux qui écoutent la retransmission du cours, ceux qui écoutent l'enregistrement du cours. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.